Tu as sûrement déjà entendu parler de l'addiction aux médicaments, sans trop savoir ce que c'était en réalité. Peut-être de par la bouche d'un de tes amis, ou alors à travers un film ou une série. C'est vrai qu'on en parle peu et que cette addiction est parfois représentée comme étant quelque chose de cool, à tort, notamment par certains rappeurs. Pourtant, je suppose que tu t'es bien rendu compte que le mot addiction n'est pas connoté positivement et qu'il peut faire des ravages. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire d'Anna, qui souffre de cette maladie, pour que tu puisses mieux comprendre de quoi il s'agit. Anna a 20 ans, et elle a été diagnostiquée il y a 3 ans d'une dépression sévère, ainsi que d'un trouble bipolaire. Ces troubles psychiatriques nécessitent donc un suivi thérapeutique, mais aussi médicamenteux, pour que ses angoisses et sautes d'humeur soient moins présentes au quotidien. Au début de son traitement, tout se passait bien, malgré quelques somnolences, le temps que son organisme s'habitue à tous ces médicaments. Au fur et à mesure des mois, les humeurs instables de la jeune fille sont parfois difficiles à contrôler, malgré son suivi qui l'aide beaucoup. Il se trouve que c'est le soir que son anxiété augmente, et elle commence alors, petit à petit, à s'automédiquer. Elle va donc prendre un cachet d'anxiolytique supplémentaire afin de s'apaiser, bien que son psychiatre ne lui ait pas indiqué de le faire. Un problème survient rapidement, celui-ci étant la tolérance de son organisme aux médicaments. Puisque celui-ci va s'habituer à prendre un médicament supplémentaire, les angoisses du soir seront certes apaisées un certain temps, mais cela ne suffira plus au bout de quelques semaines. Anna va donc rajouter un deuxième anxiolytique pour quelques semaines et, comme tu te doutes bien, les doses augmenteront au fur et à mesure. Un cercle infernal commence à se mettre en place. De plus, Anna aime faire la fête et il lui arrive de boire de l'alcool en soirée, couplant donc alcool et médicaments. Le risque de mort est donc décuplé puisqu'il y a une polyconsommation. Un deuxième problème s'ajoute à l'histoire d'Anna. En effet, elle n'a parlé à personne du fait qu'elle prenne des grandes quantités d'anxiolytiques le soir. Sa consommation peut d'ailleurs aller jusqu'à 6 cachets par soir, ce qui est énorme et très dangereux, je suis d'accord avec toi. Par contre, un de ses amis, Raïm, se pose des questions car il trouve que le comportement d'Anna a changé depuis quelque temps, qu'elle se renferme encore plus qu'avant et qu'elle est très fatiguée le matin quand il la voit, bien plus qu'avant. Un jour, en allant chez elle, il remarque des plaquettes vides d'un médicament appelé Xanax. Raïm ne dit rien mais il trouve ça suspect et va faire des recherches sur cette substance pour savoir si son ami est en danger. C'est ainsi qu'il se rend compte qu'Anna a un comportement à risque et il suspecte une potentielle addiction chez elle. Malheureusement, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit en parler? Lui en parler à elle? Contacter son psychiatre ou alors ses parents? Cette triste histoire arrive malheureusement à plus de personnes qu'on ne le pense et c'est compliqué de savoir quoi faire. Il est impératif d'agir et de ne pas laisser ton proche dans cette détresse, même s'il est en plein déni. Une overdose est vite arrivée. Nous te conseillons d'aborder le sujet avec cette personne en douceur, de lui proposer d'en parler avec son psychiatre et peut-être même de l'y accompagner. De l'informer sur les centres d'aide comme l'EXAPA ou les CJC, qui pourront l'aider dans un premier temps à contrôler sa consommation. Après, si ton ami refuse toute aide, il sera peut-être nécessaire d'en parler à ses parents, qui pourront décider de l'hospitaliser à la demande d'un tiers. Il est important d'agir, car trop de personnes meurent de cette addiction, sans que cela se sache forcément. Sois proche de ton entourage et dis-leur que tu es là pour eux. Il est important de les mettre en confiance. Si ce sujet t'intéresse, tu peux notamment te pencher sur les histoires de Joseph, décédé à 18 ans, d'une overdose d'opiacés et d'anxiolytiques. Et sur l'histoire de Pauline, morte à 16 ans, d'une overdose de codéine. Leur addiction a été racontée par leur mère pour sensibiliser les autres à cette maladie. Les livres sont parus sous les noms « Maman ne me laisse pas m'endormir », paru chez l'Observatoire, et « Pauline, un drame familial » chez Albin Michel. Pour plus d'informations, tu peux nous retrouver sur notre site internet addictionmédicamenteuse.wordpress.com. Tu pourras y retrouver des podcasts supplémentaires si tu le souhaites, ainsi que de la documentation sur le sujet. Merci pour ton écoute et à bientôt.